بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في الدرس الثاني. طيب هذا نحو وساعتين من فن الكيسيون. فأولا سأسألكما عن الكلمات. Je vous interroge sur les mots. طيب ما معنى رحلة؟ Voyage. لكن في النص dans le texte c'est quoi le une place, un vol. Ma mana alayka anta fal kaza wa kaza. Alayka, c'est sur toi. Il faut que tu fasses. Tu vois, il faut que tu fasses. Barde alayka, la boue de pi. Le même. Alayka an. Alayka an. Alayka kaza. Sur toi. أيوة لكن نعني هنا ما هو القز الذي جاء في النص. طيب الدراجة هنا لا دراجة هنا في هذا النص نص تكست دراجة سي لا كلاس ايه ولا سي ان دوغري وان مارش سياحة سياحية فوت توريستي زيارة عليك الكرة زيارة من أي فئة؟ أنا مصدر من أي فئة؟ زيارة نعم فيزيت سين فيزيت أيوة لكن ما هو الفئة بالعربية؟ زارة يزور أحسنت إقلاع إقلاع إقلاع إقلاع إقلاع ديكولي أيوة لكن مصدر من أي فئة؟ إقلاع أيوة ما هو الفئة؟ يقلع الماضي أقلع. نعم أقلع. أكد يؤكد تأكيدا كونفيرمي نعم مطار نوم ساعة ساعة L'heure. Wusul. Wusul l'arrivée. Mazdar min ay fi'l? Wusul. Wasala yasil. Ouais, le fi'l. Naam. طيب الكلمه اخرى معروفه. طيب ندخل مباشره في الاسئله. On directement dans les questions. Inch'Allah, on va les faire ensemble. يقول اولا استمع وردد ايكوت ريبيت عندي سؤال قرار ريبيت قرار نعم وردد ريبيت كذلك نعم وفعل الماضي وردد رد رد ايوه وردد يعني كردد هنا وردد قرار هذا صعب يعني في هنا وردد اعيد كذلك اكمل سيدنا طيب يقول حجز محمودا مكانا هذا ماضي محمود عايز عبيد بس يحجز محمود مكانا هذا مضارع في البريزون يحجز يا محمود مكانا هذا سي امبيراتيف امر طيب او محمود ريزيرف ان بلاس طيب quand on vient après ya حرف النداء quand tu appelles quelqu'un طيب il prend juste la plupart des noms quand ils sont pas composés ils prennent une domme tu dis pas ya محمودون tu dis ya محمودو طيب يا محمود طيب الان احجز الامر صح احجز ايوه احجز نعم طيب كل واحد يقرا الجمل الاتيه ويحاول ان يترجمها ابدا انت حجز محمود مكانا لا خلاص هذا التي بعده نعم تسلم محمود التذكره يتسلم محمود تذكرة تسلني التذكرة يا محمود يا محمد محمود محمد تام تفضل ترجم محمد a reçu son billet le billet نعم محمد reçoit le billet نعم reçoit ton billet يا نعم le billet le billet طيب استخرج احمد الجواز يستخرج احمد الجواز احمد الجواز استخرج الجواز يا احمد او استخرج الجواز يا استخرج الجواز يا احمد ما على بس سكون على بس ايوه بس سكون في الام très souvent quand c'est avec انت سن سكون يا دوت كاب ان شاء الله طيب حاول تترجم Ahmed a retiré le Jawaz. Jawaz, ma wal Jawaz, Jawaz al-Safar. Le passeport. طيب. Ahmed a retiré son passeport. Ahmed retire le passeport. Retire le passeport. Et طيب. أكمل عثمان إجراء السفر. يكمل عثمان إجراء السفر. أكمل إجراء السفر يا عثمان. عثمان a complété ou à achever ses formalités de voyage. Les formalités de voyage. Non. Osman achève les formalités de voyage. Achève les formalités de voyage, ya Osman. Assent. Dakhala Aliyun Maktab al-Hajiz. Hajiz. Yadakhulu Aliyun Maktab al-Hajiz. Adakhul Maktab al ادخل مكتب الحجز يا علي لا يا علي علي est rentré dans le bureau de confirmation la l'agence de réservation non Ali rentre dans l'agence de réservation يا علي طيب خرج علي من المكتب يخرج علي مكتب. من المكتب يخرج علي من المكتب اخرج من المكتب يا علي علي est sorti du bureau علي sort du bureau يا علي وعلي نعم تمام سافر ابراهيم سافر ايوه سافر إبراهيم إلى رياض. يسافر إبراهيم إلى رياض. سافر. كسرى. سافر إلى رياض يا إبراهيم. إبراهيم a voyagé vers رياض. إبراهيم voyage vers رياض. Voyage vers Riyad, Ibrahim. Donc là, il vous a montré quoi? Les trois formes de verbes qui existent, qui sont le mardi, le passé, le mudari, qui est le présent, et le am, qui est l'impératif. Vous voyez, ce sont les trois formes de verbes qui existent en langue arabe. Et le mustaqbal, qu'on appelle le futur, rentre dans le mudari, sauf qu'on rajoute ça. Aou, on rajoute ça au fin. Sinon, il est parti inclus, voyez, dans le mudari. ثم ثانيا يقول حول الجمل الآتية كما في النموذج. Donc transforme les phrases suivantes comme dans l'exemple.

طيب الله. سابعا كتب إسحاق الدرس يكتب إسحاق الدرس اكتب الدرس يا إسحاق. نعم. ثامنا قرأ يوسف الصحيفة. يوسف لو الجورنال. يقرأ يوسف الصحيفة. نعم. اقرأ صحيفة يا يوسف. يا يوسف. نعم. تاسعا جمع صالح الدفاتر. ما معنى هذا؟ دفتر بس تجيب عن كي ان جنرال. نعم. الدفاتر سلو فريس الجمع. يجمع صالح الدفاتر. اجمع الدفاتر يا صالح. نعم. عشرا دفع خالد الحساب. طيب هنا دفع سيجي بي على بس دفع طيب سيجي بوسي. طيب اذا بوسي هو لا دير بي ادفع قيمه كذا في لا فالور دو تال شوز. طيب دونك لا دفع الصوت فولو الحساب سي لو كونت دي دفع الدين. ها تدفع الدين او تسدد الدين رمبورسي. On ne dit pas que notre mot. En général, c'est ce mot qui est employé. Il te fait. D'affaire. Ou l'hissab, c'est le compte. Comme il dit à son messager, il n'aime pas le balar, ou alayna el hissab. Allah dit au messager, toi tu n'as juste qu'à transmettre et le compte nous revient à nous. El hissab, c'est le compte. Et là, le compte voulu, c'est, par exemple, je sais pas, mon restaurant ou. De Ken, c'est pas le même compte. Donc Ali, Khalid a payé le compte. Tfaddal. Yadfa'u Khalidul Hisab. C'est pas Khalid, c'est Khalid. Khalid. Yamed, Alif. Khalid, non. Yadfa'u Khalidul Hisab. Taïeb. Amr, tu l'as fait? Amr, Dafia. Là. Itfa. Nam. Itfa. Khalid. Là. Itfa. Khalid, il y a la fin. Khalid, Itfa. Itfa. Ah, toi, je viens pour mot par mot. Fais pas de liaison. Si jamais ça te pose un problème. Idfa. Nam. Khalid. Non, tu me mets à la fin, lui. Ah, Nam. Idfa il hisab Khalid. Ya. Taïeb. Nam. Et des fois, on peut ne pas mettre le ya. Tu peux dire Idfa il hisab Khalid. Mais il y a un takdir, il y a un sous-entendu qu'il est là. Des fois, tu n'es pas obligé de le dire ya à chaque fois. Mais il est là à la base. Taïeb, c'est juste que tu ne l'entends pas, tu ne le prononces pas, mais il est là. Parce que le nom qui vient après va prendre des règles. Du nom dans lequel rentre Harf Nida, l'appel. Tu vas dire Idfa al-Hisab Khalidou. Tu ne peux pas dire Khalidoun. Donc ça prouve qu'à la base, il y a un truc qui s'est passé qui fait que le nom est tombé. C'est quoi cette chose-là? C'est que Harf Nida, le Ya, il est là, mais le Muqadda, sous-entendu, tu ne le vois pas. Mafoumahada. Thalithan, Istamir wa Raddid. Écoute et répète. Donc là, il va vous apprendre à quoi? À vous servir d'un fil Mudari ou d'un Masdar. La phrase a le même sens, mais vous pouvez la formuler de façon différente. Soit en conjuguant le verbe directement, ou soit en employant le masdar. Voyez, مثلاً يقول متى تطلع الطائرة. Quand est-ce que décolle l'avion? Et tu peux dire également متى يطلع الطائرة. Quand est le décollage de l'avion? Voyez, نفس معنى إنما تغيرت العبارة. C'est juste l'expression qui a changé. Tukli'u, c'est akla'u, décoller. Tukli'u, faire le. C'est conjugué là. Non, mudali'a. À la deuxième personne. Au féminin. Féminin, hiya. Ta'ira, c'est féminin. Hiya, en fait. Ta'ira, hiya. Il ressemble à Anta. Il prend la même apparence, mais c'est pas pareil. Toi, tu veux dire Anta, Tazhabu, tu veux dire Hiya, Tazhabu aussi. C'est dans le sens de la phrase que tu as différencié à qui tu parles. طيب جملة ثانية تفضل. متى يسافر إبراهيم؟ متى سفر إبراهيم؟ أرجم. quand va voyager quand voyage Ibrahim et quand est le voyage d'Ibrahim. نعم. ثالثاً. متى يسافر؟ يغادر. ثالثة. أنصب. متى يغادر محمود؟ غادر يغادر. على بس. délaisse une chose. طيب. Quitter. Ou quitter. Là, ça a le sens de quitter. Et في الماضي. Hein? في الماضي. Là? Ah. En fait, on va se traduire par partir. Yuradiru. Yuradiru, c'est le mot d'ailleurs. Aïwa. Ghadara. Nam. Est-ce le cas ada pour les conjuguer, parce qu'on les voit toujours dans cette forme-là. Hmm? On voit toujours les verbes dans cette forme. Modare, en fait, on les voit, on les voit tout le temps au mardi. Au contraire, moi j'ai toujours vu les verbes au mardi, et après dans les livres, généralement, à partir de là, ils conjuguent. Ouais, mais là, vous devez être que le mot d'aller, alors, dans l'exercice. Surtout son mot d'aller. Mata muradaratu mahmoudi. Enfin, muradara, c'est mazdar de radara, yuradiru. Muhadara, muhadaratun, ça c'est masdar. Non. Limada Mahmoud, il y a une kasra, kasrakein. C'est mudafilay. Muhadara, Mahmoud. Et le départ de Mahmoud. On a un mudaf et l'autre c'est mudafilay. Comme Rasulullah, ou Kitabullah, ou Baytu Muhammadin, la maison de Mohammed. En fait, c'est quand il est départ, ça, c'est ça. Non, l'autre Dieu parle départ. Rabi'an. Mata yassilu mudarris. Mata usulu mudarris. Mana yassilu. Mana yassilu, yassilu, il arrive. Non, c'est de wasala. Non. Wasala yassilu. Et l'usul, c'est l'arrivée. Non. Tamam. Khamisan. متى يدخل طلبة؟ طلبة. طلبة. طلبة. C'est l'un des formes du pluriel de طالب. Tu peux dire طلاب et tu peux dire طلبة. طيب. كفي قول تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة. Ceux-là sont les mécréants et les pervers. Et كفرة, c'est le djem de كافر. Tu peux dire كفار. Tu peux dire كافرون. Tu peux dire kafara. Et tu es comme fajara, c'est le diam de fajir, qui est un pervers ou une personne immorale. Tu peux dire fujar, et tu peux dire fajara. Akaza, c'est l'une des formes du pluriel. Mata dukhulu talaba. Mata dukhulu talaba. Nam. Quand les élèves arrivent. Rentrent. Et quand est la rentrée des élèves? Non. Ça, Adison? Mata khurujul bint. Quand est-ce que. Quand sort la fille? Et quand est la sortie de la fille? Non. Donc tu vois là, comme il dit, Mata khurujul bintu, el bint, c'est elle le fait, c'est le sujet. Et ça revient à hiya. Donc tu vois, il dit takhruju. Avec un T comme un ta, sauf que là, c'est pas pour un ta, c'est pour Hiya, elle, la fille. Non. Les deux, ils ont la même. Ils s'écrivent pareil. Voilà, un ta ta rouge, ou Hiya ta rouge. Fille qui t'a vu, sauf. Moi, je voyais. Deuxième personne, du féminin. Là, c'est pas du féminin, c'est masculin. c'est masculin. Non, quand tu dis anta takhruj, c'est masculin. Ama anti takhrujina, c'est autre chose. C'est ça. Là, nous on parle de quoi? De deuxième personne, du masculin, et la troisième du féminin. On n'a pas parlé de la deuxième du féminin. La troisième du féminin. C'est la troisième du féminin qui ressemble à la deuxième du masculin. T'as faim? Non. Non. Ça va bien? Andaman? Andak. Mata yaoudou Ahmed. Mata aoudatou Ahmed. Aada yaoudou. Rief, c'est revenir. Et hier, dans le ma'ala, avec Raja'a, c'est Moussi. Ouais, non. Mouradif. C'est assez le mieux. Tu peux dire les deux. C'est-à-dire Mahmoud Ya'oudou min kaza, ou Mahmoud Yadjia min kaza. Yadjia, c'est l'homme. Yadjia, c'est l'homme, non. Yadjia. Raja, Yadjia. Tajib, quand Ahmed revient, Naam. Quand est la revue de Ahmed? Naam, le retour. Le retour. Naam. Thaminan. Mata tazurul mahad. Mata ziyaratuk. Mahad, c'est une madrasa, c'est un institut, c'est une école. Naam. Quand visites-tu l'université ou l'établissement et quand est ta visite? Naam. Mata tahdiru lis-safar. Mata tahdiru. Naam. Mata tahdiru lis-safar. Mata hajizuka. Quand tu réserves pour le voyage. Quand réserves-tu pour le voyage? Quand tu réserves pour le voyage. Quand est-ce que tu dors? Et quand est ton sommeil? Naam, il y a naamu, c'est dormir. Et naum, on avait dit que c'est sommeil. Naum, c'est le masdar. Naam. Hadi Achar, onzièmement. Mata tarkabu tayra. Mata rukubu. La base rakaba, rakiba yarkubu, c'est monter sur quelque chose. Vous voyez, mais là, ça va être embarqué. Enfourché. Tout ce qui est, tu montes dans une voiture ou quoi, tarkab seyara. Ça y est. La rajat. Aïe, ou alors le hissan sur le cheval. Rakiba yarkabu. J'ai dit yarkabu, moi je crois. C'est une fatha, c'est yarkabu. Aïe, ouais. Rakiba yarkabu. Par exemple, tu dis arkabu. Là, ça c'est pour monter une chose, embarquer une chose sur laquelle tu te déplaces. Mais Jabal, c'est Tala. Moussa, c'est Aïda, non? Aïda. Quand est-ce que tu embarques? Tu peux dire, tu montes dans l'avion, tu embarques. Mifnou li sayar. Non, merci. Mata, quand est-ce que tu embarques dans l'avion? Non, c'est correct. Non. Quand est ton embarcation? Mon embarquement. Non. Quand est ton embarquement? Mon embarquement. Taïb, Adam Afoum, Alhamdulillah. Rabi'an, Ajib, Kama fil Namouzaj. Réponds comme dans l'exemple. Yaqul mata al-iqla'. Entre parenthèses, il met la réponse. As-sa'a at-tasi'a. Donc après, il faut comment faire, assembler entre la question et la réponse pour dire al-iqla'u as-sa'a at-tasi'a. En fait, c'est mata al-iqla', quand est le décollage. Entre parenthèses, il met 9h, sa'a at-tasi'a 9h. Donc tu veux dire

سأل à propos de سأل توكا عن كذا je t'ai interrogé à propos de cela. Ça dépend des phrases. Là, dans la phrase, on dira à ce moment-là. Après, c'est que le, comme ils appellent ça, le feeling. Avec le feeling, Shana, tu vas sortir quand une lettre, un harf, il est employé comme, comme ça ou comme ça. Ça a plusieurs sens. Et toi, tu vas ressentir la chose. Vous voyez ? Naam. Ajaba al-muwazzafu. Voyez, donc l'employé a répondu. Iqla'u fil 'ashirati sabahan. Que le décollage est à 10h du matin. Amen. Mm. Donc maintenant, il pose des questions qui sont rapportées au texte. Amen. Wa alaykoum al-jaba liradin inshallah. Vous devez répondre pour demain. Aïwa, là il a dit rien, tu vois. Il t'habitue depuis le début, il a bien pour la chose. Que tu vas pas souvent entendre. Il y en a qui vont dire Adib ala. Adib ala souel. Il y en a qui vont dire ala. Tu vois. أولاً أجيب عن الأسئلة الآتية. Donc réponds aux questions suivantes. أولاً إلى أين ذهب محمود؟ Où est-ce que محمود est allé؟ ثانياً لماذا ذهب محمود إلى المطار؟ Pourquoi محمود est allé à l'aéroport؟ ثالثاً هل وجد محمود حجزاً؟ Est-ce que محمود a trouvé une réservation؟ رابعاً في أي يوم وجد محمود الحجز؟ Donc on va dire Ey, c'est quel. Donc quel jour, vous voyez, Mahmoud a-t-il trouvé une réservation? Pour quel jour plutôt? Khamisan, Mata yu'akkidu Mahmoudun al-Hajj. Quand est-ce que Mahmoud doit confirmer, vous voyez, la réservation? Sadisan, Mata mu'id ikla'i ta'ira. Quand est le rendez-vous pour le décollage de l'avion? Quand est le rendez-vous pour le décollage? Naam. Pourquoi on n'a pas dit l'iklor? Parce que là c'est un mot d'offre, on doit filer. Mou'id iklor, c'est donc ce que ça veut dire ça. Au début, les traductions sont terre à terre, mot pour mot. Après, tu vas changer la chose, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comme je dis, ça va venir avec le temps, Inch'Allah. Ma foum fa adi asila, y alikumma li radi, Inch'Allah. Thani, deuxièmement, adib un asil atiya. Donc réponds aux questions suivantes. Et cela mérite de vous. D'écrire de vous-même. Comme la dernière fois. Yaqul, Mata hadarta il est Riyad. Quand es-tu rendu à Riyad? Thanien, Bimada hadarta. Par quel moyen t'y es-tu rendu en fait? Comment? Toi, à la place de Riyad, tu mets. Hein? Là, parce qu'ils veulent quoi en fait? Le lieu d'où tu as pris les billets pour partir. Donc c'est avant de partir. Ça y est? مثلا مصر ايوه احسنت مصر ثالثا لماذا حضرت pourquoi طيب es-tu venu ou t'es-tu rendu là-bas quoi في مصر نعم رابعا هل عندك جواز سفر as-tu un passeport خامسا من اين استخرجت التاشيره d'où as-tu fait sortir le visa une des phrases courtes طيب Vous ne cassez pas la tête comme vous pouvez. Taïeb, puis hasb le koudra. Taïeb, c'est à une villa ou la tarjez. Taïeb, tu dormis à Allah. Taïeb, et ne baisse pas les bras. Fais les choses. On voit la phrase, puis c'est dur. Même une phrase courte, c'est pas grave. AMC, elle est correcte. Taïeb, le raten, il y a sahiha. Taïeb, ou la ma'ana. Elle a un sens, et elle est correcte. Taïeb, ma foum ala. Taïeb, ça s'en a que ta fibi ala l'yom. ونقول الحمد لله رب العالمين